Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1. Je suis Gentiane Lafrance et j'ai avec moi ma co-animatrice Myriam Leland. Bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Alors, ce soir à l'émission, Myriam, tu t'es entretenue avec le collectif Ambitieux. Oui, donc Anne-Christine Guy et Kaël Mercader qui font présentement une résidence dans l'autre regard du Centre Regard. Et c'est en faisant l'entrevue avec eux que j'ai réalisé le fabuleux jeu de mots de ce nouvel espace du Centre Regard. donc, on a jasé un petit peu, oui, de leur résidence, mais aussi de la formation du collectif parce que le site web du Centre Regard présente tout plein d'informations déjà sur la résidence. Donc, j'avais envie de faire une entrevue qui est un peu plus un complément qu'une répétition. Toi, oui, parce qu'ils n'ont pas, de site web non plus. Ils n'ont seulement qu'un compte Instagram. Donc, c'est intéressant aussi de parler avec eux pour en savoir un peu plus sur leur collectif. Moi, j'ai rencontré Audrey Demers-Roberge qui est en train de produire de grands dessins dans les fenêtres de l'œil de poisson. Et c'est en production actuellement, donc j'ai eu l'occasion d'en discuter avec l'artiste. Puis en deuxième partie, on a notre chroniqueuse de la semaine, Héloïse Plamondon-Pagé, qui s'est entretenue avec le directeur artistique de la bande vidéo, Sébastien Hudon. Et c'est à propos de l'Alpine, un dispositif composé avec des aiguilles pour faire de l'animation vidéo. Donc, on va en apprendre un petit peu plus en deuxième partie d'émission là-dessus. Je suis bien curieuse d'entendre ça. Et je sais que Sébastien Hudon est très enthousiaste de cette acquisition, donc ça va être une très belle entrevue à écouter en deuxième partie d'émission. Et puis, cette semaine, Simon Roy nous fait du recyclage, il nous fait réentendre la musique du groupe Altingun. Et toi, Myriam, ça te rappelle de beaux souvenirs? Oui, parce que c'était la sélection musicale lors soit la première ou la deuxième émission que j'ai animée toute seule au studio sans ton support gentil. Et il m'a fait sortir mon turc. En fait, c'est un groupe d'Amsterdam, mais qui chante en turc. C'est genre de funk psychédélique, c'est vraiment bon. Puis si vous aimez ce que vous entendez ce soir, c'est un album de 2019 qu'on écoute, mais il vient tout juste de sortir deux nouveaux singles d'un album qui va venir imminemment là, au mois de décembre. Donc, vous pouvez trouver tout ça sur leur page Bandcamp. Donc, c'est le groupe Altingun et on se laisse tout de suite avec la piste Yolku. Et au retour, on m'entend avec le collectif Ambitieux. Bonne écoute! À l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland, toujours au micro. Et avec moi, au bout du fil, du câble Ethernet, si on peut dire ça, l'autre côté de l'écran, j'ai Anne-Christine Guy et Kaël Mercader du collectif Ambitieux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on avait envie de vous recevoir à l'émission, de vous parler à l'émission parce que présentement, vous êtes en résidence à l'autre Regard, donc le deuxième local du Centre d'artistes Regard pour le défilé ambitieux, une résidence ambitieuse pour le collectif ambitieux. Donc, un projet qu'on pourrait qualifier d'ambitieux. ambitieux. Génial, on aime ça comme ça. Puis, ben, hors d'onde, hors enregistrement, je vous disais que j'avais écouté les points de presse qui sont disponibles sur le site de Regard, puis j'avais envie d'inviter nos auditeurs à aller les écouter eux-mêmes, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, c'est assez comique aussi. On voit votre ambition à travers ces points de presse-là. Donc, j'ai peut-être envie ce soir de vous poser des questions sur le collectif comme tel, parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit à l'émission en tant que collectif. Puis, comme ça, les auditeurs pourront aller sur le site de Regard pour avoir plus d'informations sur la résidence comme telle. Ben, commençons tout de suite. C'est quoi, c'est qui le collectif ambitieux? Comment c'est parti? Je vais répondre à cette première question. C'est nous deux, c'est donc Anne-Christine et moi. On s'est rencontrés il y a déjà un petit bout de temps, mais je pense que le collectif, la formation du collectif a vraiment été un peu un point de départ de notre amitié, parce qu'avant ça, on se croisait dans des événements, on avait beaucoup d'amis en commun, mais en commençant à travailler ensemble, on s'est découvert comme une bonne amitié. Puis ça a commencé à l'automne 2017. Oui, 2017. Quand Anne-Christine revenait de plusieurs mois en dehors de Québec, elle m'avait proposé qu'on fasse un projet ensemble. C'est pas exactement ça, en fait. Tu étais encore à l'extérieur, puis tu m'avais dit « Quand je vais revenir, j'aimerais ça qu'on fasse un projet ensemble. » Donc, à la base, ça devait combiner écriture et dessin, qui était chacun un peu notre fort. Mais ça s'est transformé en toutes sortes de choses, puis depuis ce temps-là, on n'a jamais cessé de collaborer dans plein de projets ensemble. Oui, c'est un bon résumé, hein? J'ai rien à ajouter, moi, là. Puis, en fait, j'aurais peut-être une question pour toi, justement, Anne-Christine. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec Kaël? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit « quand je reviens, on fait ça » qui t'a donné cette ambition-là? À la base, je pense que c'était vraiment un élan du cœur. J'étais à Montréal, en fait, puis je m'ennuyais de Québec. Je pensais à Québec, puis j'avais envie de travailler sur un projet avec des créateurs. Moi, j'écrivais, j'avais envie de collaborer avec quelqu'un qui faisait de l'illustration. Donc, évidemment, Kaël est la première personne à qui j'ai pensé parce que c'est un super bon illustrateur. J'aime vraiment son travail. Donc, puis c'est quelqu'un d'approchable aussi, tu sais, de facile de contact. Bien, facile de contact, je devrais dire. Donc, c'était comme une évidence pour moi de proposer à Kaël de faire un projet ensemble. Fait que, tu sais, puis c'est ça, on en parlait récemment. Puis, tu sais, je me souviens du moment où je marchais, j'étais comme dans Hochelaga, puis j'en allais prendre le métro, puis j'ai comme fait, je vais écrire à Kaël, j'ai vraiment un souvenir de ce moment-là. Puis c'était un bon élan du cœur parce que on est encore là aujourd'hui. Ben oui. Puis pour cette résidence-là, justement, donc le défilé ambitieux, faire un résumé, vous créez des vêtements, soit en les trouvant, en les rapiéçant. J'ai bien aimé dans un des points de presse, Anne-Christine t'a utilisé le verbe Frankensteiner, les vêtements. Donc, ça résume bien vos plans pour cette résidence-là. C'était quoi l'étincelle qui a parti ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ça? Il y a plusieurs choses, je dirais. D'abord, à la base, quand on a pensé au projet du défilé ambitieux, on pensait vraiment plus à un truc de performance. Pour nous, la parade de mode, le défilé de mode, en fait, utilise beaucoup les codes de la performance artistique, fait qu'on trouvait ça intéressant. Mais sinon, Kaël et moi, on s'amuse beaucoup avec le linge, les vêtements. On s'est mis beaucoup en scène aussi avec des vêtements qu'on twinait ou qui font fit ensemble. Donc, ça rentrait aussi dans cette idée-là de jouer avec le linge. Je ne sais pas si c'est du complémentaire. Oui, c'est ça. Au début, quand on n'était pas vraiment encore sûr on était un collectif de quoi? Donc, on n'avait pas encore fait notre fameux projet où j'allais dessiner puis écrire. On faisait juste comme on avait annoncé notre existence, mais juste en faisant tout le temps plein de photos de nous-mêmes. Puis les gens étaient comme, mais qu'est-ce que vous faites au fond comme, en tant que collectif? Vous vous prenez en photo? Puis bon, ça nous faisait rire. C'est devenu un petit peu ça aussi, comme jusqu'où on peut aller dans cette démarche-là de mettre en scène nous-mêmes. Puis on voulait étendre ça à plusieurs autres personnes aussi, que ça devienne comme un défilé avec bon, des gens avec qui on a collaboré ou on veut collaborer. Puis bon, avec la pandémie, c'est sûr que ça nous emmène à revoir un peu l'aspect performance, mais on est ici comme pour créer finalement des vêtements dans lesquels on va se mettre en scène et mettre en scène d'autres personnes. Ouais, mais dans le fond, peut-être même encore en complémentaire, tu sais, je pense que le projet s'est vraiment beaucoup modelé jusqu'à ce qu'on arrive maintenant. Puis c'est parfait comme ça parce que notre idée de départ, bien qu'elle était drôle, je pense que finalement, ce qu'on fait est vraiment plus proche de comment on a développé notre créativité en tant que collectif. Donc, tant mieux la pandémie, tant mieux. Oui, bien, ça amène toujours les contraintes amènent toujours des choses différentes qu'on peut en tirer profit toujours. Puis justement, là, ça fait un peu plus que 2 semaines que vous avez commencé cette résidence-là. Dans le point de presse qui est disponible sur le site de Regard, le premier que vous avez fait le 20 novembre, vous décrivez tout votre plan justement pour la résidence. Vous avez commencé à faire du scavenging, là, de la petite chasse aux vêtements dans les friperies locales. Puis vous aviez des plans pour la suite. Donc, vous attendiez une machine à coudre, vous avez installé vos locaux. Puis, justement, comme on se disait, une résidence, c'est ça qui est beau aussi en même temps, c'est que tu arrives avec tout ce beau plan-là structuré, puis tu vas un peu avec le flow, puis ça donne pas toujours ce qu'on a prévu. Fait après 2 semaines, vous en êtes rendu où dans ce processus de résidence-là? Qu'est-ce qui s'est passé qui était dans votre plan, puis qu'est-ce qui se passera pas? Mais on avait des attentes élevées, puis je dirais qu'on les a surpassées. Wow! Puis, notre machine est arrivée, on a vraiment apprivoisé la machine, ça va super bien, en fait. On s'amuse beaucoup, puis on est capable de donner vie à toutes les idées saugrenues qu'on avait eues là, à l'étape de la pêche au tissu. Fait qu'on est... On est vraiment satisfait, puis aujourd'hui, on se disait que c'était la parfaite durée de résidence. On pense que comme on est capable de maintenir ce niveau d'enthousiasme-là puis de productivité jusqu'à dans 2 semaines. Puis on a du fun, puis on travaille. Des fois, on a de la misère à arrêter le soir, il est rendu comme l'heure d'aller se coucher, puis on courait encore. Ouais, ou même on se retrouve à la maison, parce que là, on est comme un peu 24 heures sur 24 ensemble, puis on se retrouve à la maison, puis on parle du projet, ça nous anime vraiment. Mais tu sais, comme cette semaine, on était vraiment dans la couture, là, tu sais, justement, le fait d'avoir la machine à coudre, on est là-dedans. Donc, en tout cas, oui, c'est ça, je pense qu'on va atteindre ce qu'on veut vraiment, là. Puis, c'est quoi cette chose-là que vous voulez atteindre? Est-ce que c'est quelque chose de tangible ou peut-être que ça va propulser d'autres projets? À cette étape-ci du projet, ce serait vraiment de créer la collection qu'on va présenter plus tard là, lors de la performance qui va être soit en vidéo si la pandémie finit par juste continuer éternellement ou sinon ben, un jour en physique, en personne. Donc, comme vous dites, vous êtes sur le chemin pour accomplir ça là, selon vos plans. Mais félicitations, c'est vraiment un beau projet. Puis je le rappelle pour les auditeurs, vous pouvez aller sur le site de Regard, donc c'est Centre Regard avec un T. .org et vous pouvez voir les 2 points de presse qu'il y a eu jusqu'à maintenant du collectif ambitieux. Bien sûr, il y a la page Instagram du collectif ambitieux avec tout plein de photos de vous justement pour continuer cette belle mise en scène de votre amitié qui est une œuvre en soi. Puis il y a également la vitrine de Regard qui est présentement une mise en scène prête à être utilisée par vous quand vous vous y présenterez. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se laisse pour une courte pause et au retour de la pause, ce sera une entrevue avec Gentilhomme à France. nous sommes de retour à l'aérospatiale, Gentiane La France avec vous. Et nous avons avec nous Audrey de Mers-Reberge. Bonjour Audrey. Allô. Audrey, on te suit sur les réseaux sociaux et on a remarqué que tu es en train d'investir des grandes fenêtres à l'œil de poisson avec une œuvre qui est, ma foi, assez monumentale. Oui, l'œuvre s'appelle « Le temps nécessaire pour construire » parce que, justement, ça va prendre énormément de temps puisque je travaille au crayon dans les fenêtres monumentales de l'œil de poisson. Et est-ce que c'est la première fois que tu t'attaques à une surface de dessin aussi grande? Oui, bien, pour ce qui est, mettons, la murale, la peinture et tout, j'en avais déjà fait, mais j'ai vraiment choisi le crayon puis le dessin ce coup-ci pour travailler cette idée-là du temps long, le temps de construire les choses. Parfois, je travaille avec des tout petits crayons pour remplir des grandes surfaces. Fait que ça devient un peu un travail d'endurance. Puis c'était un défi que j'ai toujours voulu essayer. Là. J'ai même parfois fait des murales au dessin, au crayon, au mur. Mais j'aime aussi gros. Et cette transparence, le fait de pouvoir voir l'œuvre autant de l'intérieur, de l'extérieur, puis d'en avoir des expériences qui sont différentes, est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'inspire dans le déploiement de cette œuvre-là? Oui, bien, en fait, j'ai réfléchi à la surface. Je voulais absolument qu'on voit les traits comme il faut, donc pas utiliser de peinture, par exemple. Donc, on a trouvé avec Magali et Barotte, on a trouvé des crayons Posca Molotov. des crayons comme à la gouache et à l'acrylique qui me permettent de travailler directement dans les fenêtres. Donc, ce que je vois à l'intérieur, c'est ce qu'on voit à l'extérieur aussi, mais tout dépend de la lumière. Donc, le jour, quand il y a beaucoup de lumière, on voit vraiment les couleurs pour ce qu'elles sont. Puis quand on arrive à la période un peu entre chien et loup, on voit presque plus de couleurs. Tout devient un peu plus uniforme. Puis le soir, on voit les lumières à l'intérieur. Donc la lumière vient de l'intérieur, puis on voit aussi encore d'autres teintes. Donc, il y a un changement de perception de cette œuvre-là tout au long de la journée, dans les grandes fenêtres de l'œuvre de l'œil de poisson. Et on connaît la situation particulière de Méduse. Oui. Je me demandais, Audrey de Mers-Reberge, ce titre-là, « Le temps nécessaire pour construire », oui, ça réfère au temps qui est consacré à la réalisation de l'œuvre, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un clin d'œil au temps qui va être nécessaire à la rénovation de l'ensemble du complexe Méduse? Oui, on pourrait dire que, mettons, cette œuvre-là évoque plusieurs choses en même temps. Donc, j'ai commencé à dessiner dans les fenêtres au moment où les rénovations ont commencé aussi. On s'est dit, avec Magali à l'œil de poisson, que puisque c'est aussi la COVID, plus moyen d'accéder aux galeries puis aux œuvres à l'intérieur, de prendre le temps, même des rénovations, pour faire cette œuvre-là qui va durer plusieurs mois dans les fenêtres. Donc oui, le temps de construire, c'est aussi un petit clin d'œil aux rénovations, mais c'est aussi, en fait, ce que je dessine, c'est des branches puis des arbres coupés. Donc, c'est un peu l'idée de le temps nécessaire à la nature de se créer, de pousser, mais aussi la rapidité à laquelle on peut la détruire, par exemple, en les coupant. Donc, on parlait de ce clin d'œil, oui, au temps qui va être nécessaire à la rénovation de Méduse, comme on le sait que ça fait quand même un certain temps qu'on attend après juste le moment du début des rénovations. Tu parlais également, Audrey de Mers-Reberge, du temps nécessaire à la nature pour se reconstruire après le passage de l'être humain qui l'exploite. Il y a comme une espèce d'inquiétude aussi environnementale, de volonté de sensibilisation derrière tout ça? Oui, mais il y a aussi l'idée, vu qu'on est en période de COVID, que la plupart des œuvres auxquelles on accède sont numériques, sont, il y a comme une espèce de distance un peu froide entre l'œuvre et la personne qui la consomme, si on peut dire. Donc, pour moi, c'était aussi un geste de chaleur que de dessiner directement dans les fenêtres, puis que les gens puissent voir la construction aussi, de moi en train de travailler, mais aussi à la fin, si on voit de proche l'œuvre, on voit vraiment l'entièreté du détail, de la texture, du temps que ça a pris, puis quand on recule, bon, quand on a plus de distance, on voit l'ensemble de l'œuvre, on voit un petit peu moins les détails, mais il y a comme une espèce de jeu entre un rythme entre proximité et distance qui se crée. Puis c'était justement dans le but de mettre un peu de chaleur dans l'espace public là, actuellement là, dans la période COVID et hiver. En tout cas, c'est une excellente idée. Et puis, si on revient, Audrey Demers-Reberge, à ces crayons que tu utilises, parce que tu les identifies sur Instagram avec des dièses. Donc, on dirait qu'il y a vraiment une importance qui est donnée à ces médiums-là. J'ai l'impression que c'est la première fois que tu les utilises. Oui. Et c'est quoi les avantages de ces médiums-là? Qu'est-ce que tu y découvres? OK. Bien, là, on va avoir peut-être une surprise à travers le temps. Combien de temps ils vont durer dans la fenêtre, les pigments, avec le soleil, parce que, bon, les fenêtres sont toujours, face au soleil. Fait que c'est de voir combien de temps le pigment va durer sur la surface. Mais sinon, j'apprécie comme l'espèce de fluidité, là, de ce crayon-là sur la vitre. Tu sais, ça accélère un peu l'exécution. Mais sinon, j'ai vraiment l'impression de travailler comme je fais d'habitude avec des crayons de couleur sur une feuille. Puis d'ailleurs, l'idée de créer comme des branches coupées, ça vient d'une série que j'avais déjà commencé en dessin, crayon de couleur sur papier arche. Des grands dessins, mais ça ne se compare pas à ce que j'essaie de faire en ce moment. Qui s'appelle Les sites, lieux de passage, que j'ai commencé en 2013. Fait que c'est comme un peu une continuité de la série, puis peut-être aussi le dernier jet à ce sujet-là, sur cette série-là, parce que je pense qu'après, j'aurais plus de jus. Je pense avoir épuisé l'idée. ça épuise aussi le format, vient aussi épuiser un peu cette piste de recherche-là, j'ai l'impression. C'est intéressant, tu parlais de la fluidité, parce que la vitre comme support vient donner vraiment un glissement au geste de dessiner, là, qui n'y ouais. a plus la résistance du papier, il n'y a pas la résistance d'une toile ou d'un médium plus rugueux. Là. Ouais, clairement que la résistance est vraiment moins grande. D'habitude, sur un grand papier, je peux dessiner peut-être 4 heures maximum d'affilée avec mon petit crayon, avec le support au mur. Là, je peux travailler un peu plus longtemps parce que, bon, c'est moins difficile physiquement. Aussi, je trouve ça important de dire, ça peut s'effacer facilement, ce crayon-là, mais je trouvais important parce que je fais toujours ça quand je fais des dessins, j'efface jamais. Donc, tout ce qu'on voit, c'est toujours le geste brut, puis il n'y a jamais comme de retour, de tentative de cacher ou d'effacer mon geste. Il y a vraiment comme une espèce de côté, un peu une espèce de franchise là-dedans. Un accès au processus. Un accès au processus, mais des fois, je vois même ça un peu comme un propos, tu sais. J'aime l'idée qu'avec la peinture, par exemple, on peut aller cacher ce qu'on a fait, créer des couches, on peut jouer là-dessus, mais en dessin, si on crée une erreur, puis on tente de l'effacer, on va toujours voir l'effacement même de ce dessin-là. T'sais, ça peut être super utile si ton propos est là-dessus, mais pour moi, c'est quand même important de que chaque geste soit inscrit, jamais enlevé ou caché à travers le processus. Fait, les erreurs sont accessibles à tous, puis peut-être contribuent aussi à l'œuvre. Donc, cette œuvre-là qui est dans les vitrines de l'œil de poisson, on peut voir le processus d'évolution. Et puis, quand est-ce qu'elle va être terminée? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir accès au résultat final, Audrey Demers-Roberge? C'est une bonne question, puisque c'est la première fois que je travaille comme ça en dessin sur une grande surface. J'espère avant la fin décembre. Mm-hmm. Ouais. Mais pour l'instant, on peut y retourner à tous les jours, à toutes les semaines, pour justement voir l'évolution de ton travail, voir comment ça prend forme au quotidien. Et donc, on va pouvoir aller se réchauffer, comme tu le disais, en cette période hivernale et en cette période pandémique. Merci beaucoup, Audrey Demers-Roberge, pour cette belle rencontre. Merci beaucoup. Ici Héloïse Plamondon-Pagé pour l'aérospatiale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sébastien Hudon, qui est directeur artistique de la bande vidéo. Bonjour Sébastien. Bonjour Héloïse. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Aujourd'hui, je voulais qu'on se jase un peu parce que j'ai reçu dans ma boîte courriel une infolettre cet automne qui mentionnait l'acquisition d'un outil pour faire des films d'animation super rares qui s'appelle l'écran Alpine, je sais pas trop. Moi, j'ai capoté en voyant ça, je connaissais pas ça du tout. Donc, c'est un écran d'épingle qui permettrait de faire des courts-métrages d'animation. Peux-tu m'en parler davantage? Oui, bien sûr. L'écran d'épingle, c'est un outil qui a été développé dans les années 1920 et 30, début des années 30, donc par un couple qui était basé à Paris, donc Alexandre Alexeyev et Claire Parker, qui ont ensemble développé une manière de faire de l'animation à partir d'un écran constitué de centaines de milliers d'épingles. Mm-hmm. Donc, l'idée était déjà venue à Alexeyev de faire quelque chose comme ça. Ils ont commencé à travailler avec des morceaux recyclés pour faire des prototypes. Et rapidement, le savoir-faire de Claire Parker, qui arrivait du MIT, a permis vraiment la réalisation de quelques écrans. Je sais qu'il y a quelques prototypes qui existent, environ 3 ou 4, dont un est complètement inutilisable. Le premier qui était fait avec des morceaux recyclés, qui était, je pense que c'était des filtres pour faire de la bière qu'ils avaient utilisé pour mettre les épingles dedans, oui. Wow. Puis c'est ça. Donc, le principe, parce que c'est visuel un petit peu, c'est difficile pour des auditeurs de se figurer qu'est-ce que ça peut être, mais c'est relativement simple malgré tout. C'est comme un écran complètement plat, peint en blanc, et dans lequel il y a des épingles qui peuvent être poussées par l'arrière pour créer une saillie. Et l'idée, c'est de créer comme une genre de forêt avec les épingles. Puis, si on imagine un soleil ou une source d'éclairage qui arrive à angle sur les épingles, ça crée une ombre. Oui. Et c'est cette ombre-là qui fait le dessin. Donc, plus les épingles sont sorties, plus l'ombre est longue. Et à un certain moment donné, quand toutes les épingles sont sorties au maximum, ben l'ombre, c'est un noir complet. Et donc, en modulant l'entrée et la sortie des épingles, leur hauteur par rapport à l'écran à l'écran plat, si on veut, ben on fait un dessin qui peut faire penser en estampe, pour ceux qui connaissent l'estampe, à de la mésoteinte ou de la gravure à l'eau forte. C'est très, très délicat comme dessin. On sent très, très bien le modelé, la tridimensionnalité, les dégradés donc du dessin sur ces écrans-là. Et donc, Alexeyev et Claire Parker cherchaient donc à reproduire les effets de l'estampe en mésoteinte. Alexeyev était déjà Lui, il vient de l'estampe, hein? Ouais. C'est ça. Et donc, l'idée a cheminé, ils ont fait ces prototypes-là et ils ont réussi à créer ce que eux appelaient affectueusement l'écran de velours, parce que effectivement l'effet de modeler est tellement délicat, tellement puissant en termes de nuances que ça crée comme un effet de velours en surface. Et aussi, et ça je vais en parler plus tard, parce que l'écran qui a été dessiné pour effet pour la bande vidéo est comme un écran de seconde génération. On pourrait vraiment parler d'une version 2 dans ce cas-là. Je ne sais pas si on peut dire que c'est amélioré. Les écrans d'épingle d'Alexeyev ont leur qualité et surtout leur résolution qui est extraordinaire dû au fait que le diamètre des épingles est très petit. Donc, on a une résolution qui est meilleure, pas meilleure, mais qui est différente, disons, de l'écran qui a été conçu pour la bande vidéo. Donc, C'est ça, justement, parce que là, ça, c'est un prototype, c'est des objets très expérimentaux qui ont été faits là, à partir des années 30, qui ont été améliorés. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Là. Moi, j'ai vu, il y en a un au Centre national du cinéma et de l'image animée en France. Ouais. Puis, il y en a un aussi à l'ONF, ici au Canada, l'Office national du film. Mais c'est ça, vous, comment ça a été quoi le processus incroyable là, pour arriver à avoir un écran d'épingle à la bande vidéo, puis avec qui vous avez travaillé, puis... Ben, c'est ça. En fait, c'est dans ce contexte-là que... c'est parce qu'ils ont restauré récemment l'écran français. L'écran ONFien, si on veut, et montréalais, donc le NEC, est utilisé déjà depuis les années 70, mais ce qui frappe l'animateur qui nous en a parlé, Alexandre Roy, c'est lui qui a découvert un peu ces nouveaux écrans-là en faisant un voyage et un film donc en Suisse sur un écran conçu par Alexandre Noyer, donc le Spinet, qui est comme le prototype d'Alexandre Noyer, si on veut. Donc, je reviens, je fais des boucles, là, mais je me perds pas. L'écran... quand Alexandre Roy nous a parlé de l'écran et du film qu'il venait de faire sur l'écran d'Alexandre Noyer, il nous a expliqué en fait que ces écrans-là étaient excessivement rares. On a discuté longuement sur le fait aussi que ces écrans-là étaient réservés soit à des initiés ou soit carrément à une seule personne, comme c'est le cas à l'ONF. Et nous, en tant que centre d'accès, de production, de diffusion, on se disait, C'est fantastique que, que les écrans originaux existent, mais le fait qu'ils soient limités en termes d'usage, ça peut devenir frustrant pour des artistes qui voudraient faire des trucs expérimentaux, qui sortent des canons un peu acceptés. Faut dire qu'il y a une facture liée à l'écran. On est toujours dans du film qui est très narratif, très classique finalement comme animation. C'est beau, c'est très comment on dit, c'est une façon de faire de l'animation, mais nous à la bande vidéo on a un double mandat d'animation et d'expérimental. Donc on a vu tout de suite la potentialité de travailler le potentiel de travailler avec ces écrans-là pour travailler à la fois l'animation, mais aussi le côté expérimental. Ouvrir à l'expérimentation, alors que à la base, c'est une technique qui est très, très traditionnelle. Là, parce que j'ai vu que ça fonctionne par photographie, dans le fond. C'est que l'image est créée sur l'écran d'épingle, on prend une photo, on transforme un petit peu l'image, on reprend une photo, puis c'est comme du image par image, en fait. Hein? Exactement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ça que je disais tout à l'heure concernant les améliorations de l'écran, c'est que l'écran original, il est fait pour travailler avec des outils. Il y a des interdits. Il y a beaucoup de paramètres. Si vous écoutez le documentaire sur le site de l'ONF, vous allez comprendre rapidement que ces écrans-là ont besoin d'un entretien. Ont besoin de c'est assez serré la manière dont on peut pousser les épingles, on peut pas travailler en diagonale, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, parce que c'est très fragile. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a limité l'accès, c'est que c'est tellement fragile qu'on veut pas que les gens se mettent à faire n'importe quoi parce que les épingles cassent et elles ne peuvent pas être remplacées. Donc, on a un stock d'épingles, puis quand ce stock-là est fini, ça va devenir très, très difficile. Il va falloir trouver une façon de faire des épingles de ce diamètre-là. Et là, ça va devenir un peu catastrophique parce qu'on ne pourra plus les remplacer. Donc, pour le moment, ce n'est pas un problème, mais je veux dire, dans le temps, ça va peut-être en devenir un. Et, bon, l'écran développé par Alexandre Noyer, ce qui est bien, c'est que il l'a conçu et pensé en fonction d'une utilisation répétée beaucoup plus brute, si on veut. Comme il dit, moi, souvent, je le mets à disposition des enfants. Donc, il faut que je m'assure que ce soit quand même assez résistant et que les épingles ne passent pas. Ouais. Et là où est la grande révolution de l'écran, parce qu'on l'a vu en fonction il y a 2 semaines, il n'est même pas achevé encore. Là. On voyait qu'il manquait une grande zone dont l'épinglage n'est pas fait. Alexandre Noyer est en confinement en ce moment. Puis, il est en train d'entrer les épingles, ça en prend 200 000, une par une. Donc, il devrait finir pour Noël. Patience, oui. Puis, la grande révolution, donc je vais finir par le dire, c'est que l'écran, maintenant, peut être travaillé de manière beaucoup plus directe, même avec les doigts. Donc, de manière très haptique et tactile. Et c'est ça la grande qualité que Alexeïev et Claire Parker espéraient pour l'épingle, qu'ils ont atteint en partie, mais ils n'ont jamais été... C'est lié à l'entretien et à la lubrification de l'épingle. Je passe des détails, mais ça fonctionne à la cire d'abeille, ça prend un chauffage, c'est assez complexe. Mais là... Le dispositif pensé par Alexandre Noyer nous permet de travailler directement avec l'image. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire nécessairement. Oui, c'est sûr qu'avec l'outil, ça va devenir nécessaire à un moment donné, mais on peut travailler pratiquement directement avec les doigts. Donc, il y a une sensation très, très, très tactile liée au dessin même et qui fait en sorte qu'on est dans une expression très organique, très direct de l'imaginaire. Et moi, une des premières choses que j'ai vues puis qui m'a enthousiasmé, j'ai eu de la difficulté à dormir la nuit qui a suivi parce que je pensais à toutes les possibilités, mais je pensais notamment aux enfants autistes qui ont une relation à l'acticité qui est différente de la nôtre et qui leur permet souvent de s'exprimer d'une manière différente. Et je me disais, pour eux, ça pourrait devenir carrément une manière d'exprimer leur intériorité de façon très, très directe. À partir du moment où on maîtrise l'instrument, petite citation à part, on a toujours dit que les écrans d'épingle étaient les Stradivarius de l'animation. Mais moi, je me disais, à ce moment-là, s'il y avait un Jimi Hendrix ou un Nicolas Paganini qui se mettait à faire un avec l'écran et à en devenir comme un virtuose, il pourrait faire du dessin en direct, carrément de l'animation sans interruption, simplement en travaillant avec ses mains et en poussant à l'arrière et à l'avant de manière très, très, très rapide et efficace pour créer des films avec une rapidité qu'on ne retrouve même pas encore dans les dans l'informatique, dans l'animation même informatique, parce que la rapidité de travail puis la connexion avec l'imaginaire permettrait justement cette organicité-là, puis une espèce de truc très haptique qui serait justement comme jouer d'un instrument de musique. Ça tombe de l'ordre de la performance. Et là, moi, je t'écoute encore des heures, mais il va falloir qu'on se quitte bientôt. En terminant, Sébastien, donc là, l'écran, quand est-ce qu'il arrive? Ou peut-être que tu n'es pas autorisé à me le dire non plus. J'imagine qu'il va arriver dans la prochaine année. Oui, ça va dépendre du transport. Encore une fois, on travaille dans de l'exceptionnel avec l'écran. Vu le format, vu le nombre de passages aux douanes qu'il faut faire, puis le fait que la pandémie ralentit les transports internationaux pour certaines choses, on pense l'avoir au printemps. De toute façon, il va y avoir des annonces à la fois pour l'écran puis à la fois pour des projets de résidence dédiée, etc. C'est à venir. Je te coupe un peu là-dessus, mais il va y avoir des choses qui vont s'en venir. OK. Bien, allez. Sébastien, je te remercie énormément. Donc, pour les artistes qui sont intéressés, bien, on s'abonne à vos infolettes, puis on surveille les appels de candidature. Et sur Facebook aussi, on fait pour s'amuser une petite... des chroniques en ce moment un peu sympathiques avec Audrey, la personne qui est aux communications chez nous. Donc, on discute sur l'écran, puis on amène un peu de contexte à tout ça pour permettre aux non-initiés, si on veut, de comprendre qu'est-ce qu'on fait de manière un peu simple et ludique. Bon. Je te remercie beaucoup, Sébastien, et puis je souhaite une bonne poursuite, bonne continuité du projet. Merci, à toi aussi. Schlagen. venons d'entendre la pièce Leila, toujours de notre sélection musicale de la semaine du groupe Altin Gun. Et c'est maintenant la fin de l'émission avec le traditionnel agenda de la semaine. Depuis cette semaine, sur l'avenue Cartier, les lampadaires sont ornés d'œuvres réalisées par le collectif Pierre et Marie. On vous invite à aller y faire une petite balade, peut-être quelques emplettes des fêtes et admirer les œuvres qu'ils ont créées. C'est intéressant parce que depuis quelques années, les œuvres sont créées spécifiquement pour les lampadaires. Ce n'est pas nécessairement des œuvres existantes qui, qui sont plaquées là. Ça fait deux ans, en fait, que c'est le cas. Là. Donc, l'année dernière, c'était l'édition avec Manon Depauw. Et Jocelyn Robert par la suite. Oui, c'est vrai. Ensuite, Pierre et Marie. Des très, très belles œuvres. Là, j'ai eu l'occasion de jeter un œil. Et puis, c'est très ludique, c'est très festif. Et ça nous fait oublier un peu la grisaille du quotidien. Vendredi à 16h, il va y avoir une conférence Zoom. C'est du côté de Montréal, mais on trouvait le sujet intéressant. C'est organisé par la Faculté des arts de l'UQAM. Ça s'intitule « On parle d'art, l'innovation, la recherche, la créativité ». Donc, on va avoir l'occasion de découvrir un peu comment les artistes se sont adaptés à la pandémie. La fin de semaine prochaine. Oui, donc samedi, dimanche, c'est le nano-marché de Noël du Maelstrom, donc au Maelstrom, justement. C'est de 10 à 4 heures les deux journées, donc ça peut valoir la peine d'aller faire des petites emplettes de Noël. Même principe aussi, mais cette fois virtuellement, c'est l'encan de la Maison des métiers d'art de Québec. Donc, ça se fait sur le groupe Facebook qui s'appelle l'encan de la MMAQ. Donc, il y a des œuvres qui sortent à tous les lundis, si je me trompe pas. Ça va de 2 à 5 œuvres. Les gens ont une semaine pour miser sur ces œuvres-là. Et c'est vraiment le même principe qu'une enchère, mais virtuellement. Il y a vraiment des très belles pièces d'artistes assez reconnus. On a eu Hélène Chouinard, on a Marie-Fauve Bélanger en ce moment. On a un petit coup de cœur aussi Brolet. Pour Marie-Claude Brolet parce que c'est une des nôtres. Donc, allez voir ça sur Facebook, sur le groupe Facebook L'Encan de la MMAQ. Et une option également virtuelle pour 3 lieux d'exposition qui doivent être fermés, mais qui ont un projet en commun, c'est la diffusion du projet Dénoncé de l'artiste Isabelle Ayer. Donc, on peut aller y faire des visites virtuelles. C'est donc Plein Sud à Longueuil, la salle Alfred Pélan à Laval et la galerie d'art Antoine Sirois à Sherbrooke qui présentent 3 volets de ce très, très grand projet, de ce très beau projet, une belle façon de voir l'étendue de l'œuvre de cet artiste qui est vraiment une pratique intéressante en dialogue avec l'anthropocène, notre rapport à l'environnement. Et puis, c'est la toute dernière semaine pour aller voir l'exposition de Jacques Sanson à la Galerie Michel Guimond. On vous rappelle que toutes les fins de semaine, l'artiste est sur place et vous pouvez aller discuter avec l'artiste même au sein de l'exposition pour pouvoir en savoir un peu plus sur sa pratique. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec ou virtuellement, puisqu'on y garde un calendrier le plus à jour possible. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Un grand merci à notre chroniqueuse Héloïse Plamondon-Pagé et à nos invités Sébastien Hudon, Audrey Demers-Roberge, Anne-Christine Guy et Kaël Mercader du collectif Ambitieux. Un salut bien spécial à notre Raphaël de la mise en onde qu'on a toujours hâte de retrouver en studio, Jacques Gignac. Et merci à toi, Gentilhomme La France, de m'accompagner dans cette aventure à toutes les semaines. Merci à toi, chère collègue, co-animatrice Myriam Leland. Donc, on se laisse pour une dernière piste, toujours du groupe Altin Gun, avec la pièce Anne Latmam d'Erdemi. Je vous laisse sur mon plus beau turc et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!